Terfikir olehku saat ku merenung, melambungkan benci tanam di hatiku. Surtout, pense pas mal de moi, mon romantisme. Surtout, pense pas mal de moi, mon romantisme.